Chapitre 6e, autre phase de l'histoire de la nuit. Pendant ce temps, Richard Ravensburn rencontrait Herbert Dane en retournant à Danesheld. Ce gentleman était encore à sa place favorite, la barrière, où nous l'avons déjà vu plus d'une fois, non pas à califourchon et sifflant comme d'habitude, mais mélancoliquement appuyé, l'air triste et soucieux. Aujourd'hui, il ne tenait pas à la main de ligne de pêche, il ne se fouettait pas les bottes avec un fouet à manche d'argent, en battant la mesure de quelque air d'opéra. La mort prématurée de son cousin le préoccupait évidemment, et lui causait un chagrin réel et profond. Il n'y avait pas à en douter. Il parut surpris au dernier point de voir Ravensburn s'avancer vers lui, en liberté, et non accompagné d'un de ces hommes de la loi qu'il avait gardé depuis le matin avec tant de sollicitude. « Comment ? Ils vous ont relâché, Ravensburn ?»« Pouvait-il faire autrement, monsieur Herbert ?» répondit Ravensburn en s'arrêtant en face de son interlocuteur, pour bien lui prouver qu'il dédaignait d'éviter les questions. « Faire autrement ?» répéta Herbert Dane. « Dame, je ne sais pas, Ravensburn. Si Michel vous avait précipité de là-haut, mon pauvre cousin, mais Michel ne m'a pas vu. » interrompit Ravensburn, ses yeux noirs perçants fixés en plein sur le visage de Herbert Dane. Je croyais, d'après ce que j'avais entendu dire, qu'il l'avait affirmé la nuit dernière. Affirmé en présence de plusieurs personnes, s'est-il rétracté? Non, monsieur, il ne s'est pas rétracté. Michel n'avait pas dit un mot de ça. On l'avait mal compris. Moi aussi, j'avais comme vous entendu raconter la chose. On m'avait répété les prétendues paroles de Michel, et je m'étais imaginé alors qu'il cherchait à sauver ainsi le vrai coupable. Il affirmait tout à l'heure, en présence de Milord, qu'il n'avait pu distinguer les combattants sur les falaises. Il n'aurait pas même reconnu le capitaine Dane s'il n'était pas tombé à ses pieds. Comment le bruit s'est-il répandu alors qu'il vous avait reconnu? C'est, je crois, principalement la faute de monsieur à parler. C'était le plus acharné contre moi. De sorte que, sur la seule affirmation de Michel, parce qu'il a déclaré ne pas vous avoir reconnu, on vous a mis en liberté. Il faut que la douleur ait rendu Milord bien indulgent. Je présume que vous allez vous hâter de mettre la mer ou quelque autre formidable barrière entre vous et Danesheld maintenant. Pourquoi donc, monsieur? Un homme innocent n'a pas besoin de fuir comme un lâche. Innocent, répéta Herbert d'un ton d'ironie, presque de mépris. Oui, monsieur, innocent. Ravensburn, dit Herbert Dane avec calme. Il est parfaitement inutile de prendre avec moi ces airs pudibonds et de monter sur vos grands chevaux. Les paroles de vengeance et de menaces qu'en cet endroit même, hier, vous avez prononcées devant moi, à propos de votre maître, suffiraient pour vous faire pendre, mais... « Est-ce que vous me croyez coupable, monsieur Herbert ?» interrompit Ravensburn en le regardant de plus près. « J'allais vous dire, Ravensburn, que vous n'avez rien à craindre de ma part, » continua Herbert Dane, sans faire attention à l'interruption. « Hier, vous avez laissé échapper devant moi des menaces de vengeance dans un moment de fureur, sans même, je m'en suis bien aperçu, avoir conscience que j'étais présent et que je vous entendais. Je vous plaignais de tout mon cœur, car j'étais convaincu que la conduite du capitaine Dane à votre égard devait être injustifiable, et je ne me joindrai certainement pas à vos accusateurs. De plus, quand bien même on vous pendrait à ce chêne que voici, ça ne rendrait pas la vie à votre maître. « Monsieur, » répéta Ravensburn du ton d'un homme qui veut une réponse, « je vous ai demandé si vous me croyez coupable. C'est là une question bien superflue. Supposez-vous donc qu'il y ait dans la ville une seule personne dont l'esprit conserve le moindre doute, quoique vous ayez trouvé moyen de tirer votre épingle du jeu ?» « Excusez-moi, monsieur, d'insister. Il ne s'agit pas des personnes de la ville. Je vous demande si vous, le pensez. » Herbert Dane parut ennuyé de la persistance de Ravensburn. « Vous me demandez si je vous crois coupable, et je viens de vous dire, il n'y a qu'un instant, que vous mériteriez d'être pendu. Oui, je vous crois coupable. Alors pourquoi ne me faites-vous pas pendre? Je vous ai dit pourquoi. Je n'ai nul souci de me déranger pour vous nuire, et en outre, votre pendaison ne ferait pas revenir à la vie celui qui est mort. » Mais coupable, jusqu'à un certain point vous l'êtes, à n'en pas douter. Non pas, peut-être, d'assassinat avec préméditation. Il est parfaitement possible que dans une lutte si près du bord des falaises, la chute ait été accidentelle. L'attitude que gardait Ravensburn devant Herbert Dane, calme, maître de lui-même, hardi, sans qu'un muscle de son visage tressaillît, sans que sa voix tremblât, ses yeux pénétrants conservant toujours le même regard fixé et froid, étonnait profondément ce jeune gentleman. « En ce cas, permettez-moi de vous dire, monsieur Herbert, que je ne suis pas coupable. Laissez-moi vous dire quelque chose de plus, monsieur. Parlerai-je ? Eh bien, répondit Herbert en le regardant curieusement, je crois que je pourrais mettre le doigt sur le vrai coupable. Oui, aussi vrai que nous sommes là tous les deux face à face, je le crois. Que voulez-vous dire ? Demanda Herbert après un moment de surprise et de confusion. Je veux dire, monsieur, ce que je dis. Je puis me tromper. Je n'ai pas de preuves, mais j'attendrai, et elles viendront peut-être. Je n'étais pas le seul qui eut à se plaindre du capitaine Dane, et je connais quelqu'un qui l'enviait et le haïssait. Herbert Dane regarda Ravensburgh de la tête aux pieds, ne sachant comment il devait prendre ses audacieuses paroles et son attitude plus provocante encore. Vous me trouvez trop hardi, je le vois, monsieur. Mais quand un homme innocent se trouve arrêté sous l'accusation de meurtre avec préméditation, on peut lui pardonner quelques libertés de langage. Des libertés de langage passent encore, Ravensburgh, mais les mensonges, c'est autre chose. Je crois que vous m'avez dit. Je vous ai dit la vérité, monsieur. Interrompit hardiment Ravensburgh. Je crois savoir qu'il s'est battu avec mon maître sur les hauteurs, aussi sûrement que si j'avais assisté moi-même à l'affaire. Oh ! Fit Herbert Dane d'un ton de parfaite ironie. Alors, vous n'y avez pas assisté ? Non, monsieur, je n'y ai pas assisté, et pour la meilleure de toutes les raisons, c'est que j'étais à ce moment-là même à plus d'un mille de distance de l'endroit. La chose a été prouvée, monsieur. J'étais au rendez-vous des marins, jouant aux dominos avant et après l'événement. Et Milord aussi bien que Monsieur Parly ont été forcés d'ordonner ma mise en liberté, n'ayant plus de prétexte pour me retenir en prison. Si en réalité ce n'était pas vous, et que vous connaissiez le coupable, pourquoi ne le nommez-vous pas ? S'écria Herbert Dane. Je juge autrement les choses, monsieur. Je n'ai pas de preuves, et on pourrait ne pas me croire. Je préfère prendre mon temps. Me croyez-vous encore coupable, Monsieur Herbert ? Oui, Ravensburgh. Pendant une minute, Ravensburgh le regarda en face, comme s'il se refusait à croire à cet aveu. Puis il baissa les yeux. Il est bien possible, après tout, que vous le croyiez, dit-il, comme s'il parlait plutôt à lui-même qu'à Herbert. En ce cas, tout ce que je puis dire, c'est qu'un jour viendra peut-être où nous serons tous deux détrompés. J'ai juré à Milord que je suis innocent, que ce n'était pas moi l'agresseur de son fils. Je vous le jure, de nouveau à vous. Bonjour, Monsieur Herbert. Herbert Dane le suivait encore des yeux dans le lointain quand Michel et l'inspecteur Cotton, revenant du château, passèrent sur la route. Il accosta le douanier. Ainsi, Michel, après tout ce qu'on avait dit hier soir et ce matin, j'apprends maintenant que vous niez avoir accusé Ravensburgh. C'était un malentendu, monsieur. On avait mal compris mes paroles. Je pensais être sûr que c'était Ravensburgh, et je ne m'étais pas caché pour le dire. Mais je n'ai jamais affirmé l'avoir vu ou l'avoir reconnu. C'était une chose absolument impossible par le clair de lune de l'endroit où je me trouvais. Il paraît maintenant que ce n'était pas Ravensburgh, et je suis fâché qu'à cause de moi, il lui soit arrivé des désagréments. Alors vous n'avez pas reconnu l'adversaire du capitaine Dane ? Non, monsieur. La vareuse de Michel a été repêchée, monsieur Herbert Dane, observa l'inspecteur, désireux de se mêler à la conversation. La mère a dû la laisser à sec hier soir sur la plage en se retirant, et Bill Gand l'a ramassée ce matin en revenant avec la marée montante. Le chapeau du capitaine Dane a aussi été rejeté sur la plage, peut-être l'avez-vous entendu dire ? Herbert Dane se contenta de répondre par un signe de tête. Il ne paraissait pas disposé à poursuivre la conversation, et les deux hommes continuèrent leur chemin. Il faut que je sache, n'importe comment, pour quelles raisons ils ont relâché Ravensburgh, se dit Herbert, en se dirigeant vers le château. Chacun ici était si certain que ce devait être lui. Il allait entrer sous la porte cochère quand le hall s'ouvrit brusquement. Bref, en sortit, précédant M. Parly et l'officier de police Bend. Herbert accosta l'avocat, sans adresser la parole au policeman qui s'éloigna à pas lents. Il faut attendre, y avoir de la patience, fit l'avocat en réponse à une question de Herbert. Son accent était irrité, son visage enflammé, car il avait encore une fois changé d'opinion et était de nouveau convaincu de la culpabilité de Ravensburgh. Je ne saurais mettre en question la bonne foi des témoins. Je les crois parfaitement honnêtes, et Hawthorne, ainsi que sa femme, en tout cas, sont incapables de trahir la famille Dane. Mais il y a eu là quelques manigances. C'est aussi certain que nous sommes là tous deux en ce moment. Bent le sait, à ce qu'il dit. Les aiguilles de la pendule de Hawthorne ont été subrepticement poussées en arrière, où l'on a eu recours à quelque autre invention diabolique du même genre. Ravensburn m'a affirmé tout à l'heure avec la plus parfaite tranquillité qu'il était au rendez-vous des marins au moment même de l'accident et que le fait a été prouvé, à la satisfaction entière de Lord Dane. « Quel insolent animal ! Il s'en vante, n'est-ce pas ?»« Dans un sens, cela a été prouvé, et force a bien été à Lord Dane de ordonner son élargissement. C'est notre affaire maintenant d'arriver à lui prouver qu'il a menti. Il y a deux faits terriblement concluants contre lui, et Bent en a pris note. Le premier, c'est d'avoir appelé tout particulièrement l'attention des clients de l'auberge sur la pendule de petit salon de Madame Hawthorne, dans l'intention secrète, naturellement, de leur faire constater qu'il était de retour à l'hôtel à 8h20. Le second fait est son absence du rendez-vous des marins pendant plus d'une heure et demie, et son refus de dire où il a été et ce qu'il a fait. Mais attendons la fin, Monsieur Herbert. » Et avec un signe de tête significatif, plein de sous-entendus, l'avocat se hâta de rejoindre le policeman Bent. Herbert se retourna alors vers Bruff, qui pendant cette conversation s'était tenu à l'écart. « Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Bruff ? Ravensburn affirme son innocence avec bien de l'assurance. « À vous parler franchement, monsieur, nous autres domestiques, nous ne savons que penser. Si les apparences n'avaient pas été aussi fortes contre lui, c'est-à-dire sa querelle avec son maître et ses menaces de vengeance, Ravensburn est bien le dernier que nous aurions soupçonné. Il ne nous a jamais fait l'effet d'un homme vindicatif. Et puis tous ces témoignages, c'est assez embarrassant. S'il était au rendez-vous des marins, il ne pouvait pas être en même temps sur les falaises. Parfaitement vrai, répondit Herbert Dane, pour ainsi dire machinalement, et comme si ses pensées étaient ailleurs. À part, il parle de ruse et de manigance. Il dit que la pendule pourrait bien avoir été retardée, mais je n'y crois pas beaucoup. Si on l'avait retardée, dit Bruff en secouant la tête d'un air d'incrédulité, il aurait fallu qu'elle le fût d'au moins 3/4 d'heure. En admettant même que Ravensburn eût couru à toutes jambes jusqu'à l'auberge, après avoir fait son coup sur les hauteurs. Et je ne comprendrais pas comment aucun d'eux, au rendez-vous des marins, aurait pu se laisser attraper au piège. Un ou deux d'entre eux, au moins, auraient découvert la supercherie. 3/4 d'heure, monsieur, ce n'est pas peu de chose. Il est assez difficile de s'y laisser tromper. Oui, vous avez peut-être raison. En tout cas, l'affaire paraît être bien mystérieuse, du premier mot au dernier. Vous a-t-on dit, monsieur, que Milady Adélaïde a été témoin de la lutte ? Lady Adélaïde ? C'est parfaitement vrai, monsieur. Vous savez, n'est-ce pas, qu'elle était revenue précipitamment des falaises au château en poussant des cris atroces. Jusqu'à ce matin, elle avait nié avoir vu quoi que ce soit. Mais quand elle s'est trouvée dans le hall, en présence de tous, Mylord et Squire Lester, M. Bent et les autres, elle n'a pas pu soutenir son rôle et elle a avoué la vérité. Elle avait vu deux hommes se battre et l'un d'eux tomber. Ça l'avait terrifiée à en mourir. Les avait-elle reconnus ? Demanda Herbert Dane avec une certaine vivacité. Non, monsieur, aucun d'eux. Tout à l'heure, on l'a rappelé dans la grande salle et on lui a fait prêter serment à ce sujet-là. Prêter serment ? Parfaitement, monsieur Herbert. Oui, oui, prêter serment. C'est bien cruel, à mon avis. D'après ce que j'ai pu entendre par-ci, par-là, l'officier Bent a demandé d'une manière positive que le serment lui fût imposé, car il s'était mis dans la tête qu'elle avait reconnu peut-être l'agresseur du capitaine et n'osait pas l'avouer. Ils sont tous satisfaits maintenant, j'espère. A-t-elle prêté le serment ? Oh oui, monsieur. Sachant qu'elle n'avait pas reconnu l'homme, elle n'a fait aucune objection. Je le crois du moins. D'après ce que Sophie m'a raconté, Milady aurait vu comme deux espèces d'ombres, dont l'une a tout à coup disparu. Mais elle ne vit rien d'autre. C'était bien inutile de lui faire prêter serment pour obtenir d'elle ce renseignement-là. Elle était tout simplement dans les ruines, à regarder. Herbert Dane leva la tête d'un air de soulagement. « Je suis sincèrement heureux qu'elle n'ait rien vu, dit-il. Il n'est pas convenable pour les dames, pour les jeunes filles surtout, d'être mêlées à de pareilles aventures. C'est vraiment regrettable qu'on l'ait ainsi tourmentée. Si la lutte a eu lieu sur le bord de la falaise, comme c'est malheureusement trop prouvé, et que la pauvre enfant fut dans les ruines, il était presque impossible qu'elle reconnût les combattants. Cependant, c'est une bonne chose d'en avoir acquis la certitude. Il parlait comme dans un rêve. Il semblait n'avoir pas conscience de ce qu'il disait. Bruff le regarda, étonné. Ouvrez-moi la porte, Bruff. Je vais aller voir Mylord. Lord Dane était seul dans la grande salle. Il reçut son neveu avec plus de cordialité qu'il ne lui en avait témoigné depuis longtemps. La douleur rend l'âme bonne. Herbert écouta patiemment le récit circonstancié des événements de la journée, et sans l'interrompre d'une seule observation. Quand son oncle eut fini, il lui dit seulement « Et vous croyez encore à la culpabilité de Ravensburg ?»« Oui, Ravensburg est le coupable, tout le prouve. Mettez Ravensburg hors de la question pour un instant. Quel autre homme dans ce pays pourrions-nous soupçonner ? Harry n'avait pas un seul ennemi. Dudenchel l'adorait. » « C'est vrai, » répondit Herbert du même ton machinal et rêveur que tout à l'heure en parlant à Bruff. « Quel malheur !» reprit Lord Dane, qu'Adélaïde n'ait rien pu distinguer quand elle était là. Ben pensait qu'elle avait reconnu Ravensburg et qu'elle craignait de l'avouer. Ou peut-être qu'elle voulait l'épargner par égard pour sa femme de chambre. Il y a eu là une idée bien ridicule et je suis presque honteux d'y avoir pu croire un instant. La vérité est que la pauvre enfant a éprouvé une telle frayeur, la nuit dernière, qu'elle en a presque perdu la raison, et a nié d'abord avoir rien vu. C'est ce qui avait éveillé mes soupçons. À un point de vue, il est préférable que Lady Adélaïde ne l'ait pas reconnue, observa Herbert. Il aurait été si douloureux pour elle d'avoir apparaître comme témoin devant une cour de justice. La conversation fut interrompue par l'entrée de M. Lester. Herbert quitta le hall et monta au premier étage, dans l'espoir d'y trouver Adélaïde. Elle n'était pas dans le salon, non plus que Lady Dane. Herbert regardait autour de lui dans le corridor quand il aperçut Sophie. « C'est toi, Sophie la belle ? » s'écria-t-il. Il ne perdait jamais une occasion de faire l'aimable avec la camériste et de se perfectionner dans le français. « Où est Lady Adélaïde ?»« Oh, je n'ai pas le temps aujourd'hui d'écouter vos folies, monsieur Herbert, » répondit Sophie d'un air de mauvaise humeur. « Mais Lady est malade. »« Malade ?»« Malade et au lit. Je vais à la cuisine faire de la tisane. » C'est encore une des choses auxquelles les Anglais n'entendent rien, pauvre ignorant. Mais Lady Dane est en ce moment avec ma maîtresse en train de la tancer d'importance. Elle lui fait une jolie scène. Une scène ? Pour quelle raison ? Et ma maîtresse la mérite bien, ajouta la camériste avec une franchise toute française. Je vous demande un peu quel besoin elle avait de se mettre et de mettre toute la maison dans un pareil état. Si elle n'avait rien vu que deux hommes aux prises, sans distinguer qu'ils étaient, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit tout simplement ? Qu'elle nécessite de faire tout cet embarras, va. » Sur ce dernier mot, Sophie disparut, descendant 4 à 4 l'escalier, et M. Herbert Dane, comprenant qu'il n'était pas convenable de demeurer plus longtemps, sortit du château. Cependant, l'histoire de la nuit précédente était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Comme Herbert Dane suivait la route de Dainchild avec nonchalance et de l'air désœuvré d'un homme qui n'a absolument rien à faire sur cette terre, il rencontra un individu bien connu dans le pays où il jouissait du reste d'une médiocre réputation. Il se nommait Drake et exerçait, ostensiblement du moins, l'état de pêcheur. En réalité, sa principale occupation était la contrebande à laquelle il se livrait avec autant d'ardeur que d'impunité. Toujours à la mer, sous prétexte de pêche, il ne cessait de tourner alentour des vaisseaux étrangers à l'ancre et rapportait à terre, par petites quantités à la fois, les marchandises de contrebande qu'il en tirait. Il ôta vivement son bonnet de laine bleue pour saluer Herbert. « Une étrange et horrible histoire qu'on m'a racontée, maître, quand je suis rentré avec mon bateau, » dit-il d'une voix traînante. « Il y a des gens qui disent que le capitaine a été assassiné et que son corps est en train de flotter en pleine mer. Le diable seul sait sous quelle latitude. Est-ce vrai ? C'est un événement incompréhensible, Drake, mais je crains qu'il ne soit que trop réel. On n'a pas retrouvé le corps malgré les dragages sur la côte. « Oh, je les ai vus jeter les filets. Qui l'a attaqué ? Ah, c'est là la question. » On dit dans le village qu'il est prouvé à cette heure que ce n'était pas le domestique du capitaine. On l'avait arrêté dans le commencement. Je sais qu'on le dit. Du moins, je n'en fais pas de doute. Eh bien, maître, peut-être suis-je capable de jeter un brin de lumière sur l'affaire ? Ce ne sera pas grand-chose, toutefois. Vous ? S'écria Herbert en le regardant dans le blanc des yeux. Oui, moi. J'avais remonté jusqu'au cap des Noisettes car j'avais affaire au vieux. C'est-à-dire que j'avais suivi la route, passé le château. Peu importe. Expliquez-vous catégoriquement, Drake. Interrompit Herbert Dane d'un air significatif en voyant l'embarras de son interlocuteur. Vous aviez été au cap des Noisettes pour tenir un de vos conciliabules habituels avec ce vieux grenin de Beecher, c'est évident. Mais rassurez-vous, j'aurais beau vous surprendre tous deux dans l'exercice de vos honorables fonctions et voir de mes propres yeux débarquer un bateau plein de marchandises prohibées, vous n'auriez rien à craindre de moi. Je ne suis pas officier des douanes, et je ne m'inquiète jamais des affaires des autres. J'ai bien assez des miennes. Eh bien, j'avais donc été chez le vieux Beecher, reprit Drake franchement, mais seulement pour de la laine, ma parole, maître, pas pour autre chose. Je restais avec lui plus longtemps que je n'en avais l'intention, et je m'en retournais de toute ma vitesse, craignant que mon bateau ne s'en allât sans moi, quand j'entendis le bruit d'une querelle. J'étais sur le bord des falaises. Je prends presque toujours par là, au lieu de suivre la route, juste en face des ruines de la chapelle, quand j'entendis des voix. Elles venaient de la direction du château. Je coupai droit devant moi pour voir quelle dispute ce pouvait être. Sur la pelouse, à moitié chemin des ruines et du château, il y avait deux hommes, dont l'un parlait très haut avec un air furieux. J'étais arrivé tout près de lui et je reconnus le capitaine Dane. Voyant cela, naturellement, comme ce n'était pas mon affaire, je filai sans en demander davantage. Herbert Dane garda le silence quelques instants. « Où dites-vous que cela se passait ? » dit-il enfin. « Entre les ruines et le château, un peu plus près du château, peut-être bien. L'autre individu était un étranger. »« Un étranger ?» s'écria involontairement Herbert Dane, qui s'était sans doute attendu à entendre nommer Ravensbird. « Du moins un étranger pour moi. Je ne l'avais jamais vu auparavant, à ma connaissance. Une espèce de gros garçon, bâti en carène, tenant un ballot à la main. « Quelle sorte de ballot ? Une caisse, une boîte, une malle ?»« Dame, je ne sais pas trop. » Ça pouvait être une boîte ou un paquet. C'était gros et noir. Il était posé sur la pelouse avant mon arrivée, mais l'homme le reprit et le mit sur son dos. Je ne me suis pas arrêté pour examiner davantage, en voyant que c'était le capitaine Dane. Il était dans une colère terrible et disait des sottises à l'autre. « Dans quels termes ?» s'écria Herbert avec une grande vivacité. « Pouvez-vous vous en souvenir ?»« Comment êtes-vous assez impudent, drôle ?» J'ai entendu ça, mais c'est tout ce que j'ai pu saisir distinctement. Comme je m'éclipsais, cependant, je les ai encore entendus tous les deux élever la voix et s'invectiver. Quelle heure était-il ? Ah, quant à l'heure, vous savez, à 5 minutes près, je ne pourrais rien affirmer. Il était peut-être 8h30. Drake, était-ce réellement un étranger, en êtes-vous certain ? N'était-ce pas plutôt Ravensbird ? Suis-je une loutre, maître, et n'ai-je pas l'usage de mes yeux ? Il ne ressemblait pas plus à Ravensbird qu'à vous ou à moi. C'était un grand diable de 5 pieds 6 pouces, avec de longs bras et de larges épaules. Il faut que vous donniez ces renseignements à Lord Dane. J'allais justement au château dans cette intention. Je connais mon devoir. Ce n'est pas à dire pourtant que je n'aimerais pas mieux faire 10 000 d'un autre côté que de me trouver en présence de sa seigneurie. Il n'est pas aussi indulgent pour votre petit commerce que vous le désireriez, n'est-ce pas ? Dit Herbert en souriant. Et vous avez peur de lui. Mais si vous pouvez l'aider à découvrir les traces de l'agresseur de son fils, le service rendu fera sans doute compensation. Avec les anciens comptes à régler, Drake. En tout cas, c'est mon devoir, ayant vu ce que j'ai vu, et je n'ai pas l'intention de m'y soustraire, maître, répondit Drake. Et touchant de la main son bonnet de laine, en manière de salut, il continua son chemin vers le château, pendant que Herbert Dane reprenait la route de Davenchild pour s'informer si des nouvelles plus récentes n'y étaient pas parvenues. Perplexe, embarrassé, M. Herbert Dane ne pouvait chasser de son esprit le soupçon que l'homme vu par Drake se disputant avec Harry Dane ne fut Ravensbird, en dépit du signalement qu'en donnait le matelot. « Il est si facile de se tromper sur la taille et la corpulence d'un homme, par le clair de lune, » disait-il en se parlant à lui-même. « Quant au ballot dont parle Drake, c'était peut-être la petite valise que Ravensbird avait été chercher au château. D'un autre côté, Drake peut fort bien ne pas faire erreur et c'était peut-être en effet un étranger. Dans ce cas-là, Ravensbird... » M. Herbert Dane fut tout à coup interrompu au milieu de ses réflexions. À un tournant de la route, il se heurta presque à Ravensbird lui-même, qui, assis sur une borne militaire, semblait profondément réfléchir. « Vous voilà bien pensif, Ravensbird. » L'homme leva la tête comme réveillé en sursaut. « Ah, c'est vous, M. Herbert Dane. J'étais absorbé dans cette affaire de la nuit dernière. Je ne vous ai pas entendu venir. »« Ravensbird ?» dit Herbert. Il y avait infiniment de sincérité dans l'expression de sa voix et dans son air. « Je considère comme un devoir de vous informer d'un fait nouveau. Vous avez affirmé n'avoir pas été l'agresseur de votre maître, eh bien, votre affirmation se trouve jusqu'à un certain point confirmée. Remarquez que je dis seulement jusqu'à un certain point. » Un sourire étrange, presque impudent, éclaira le visage de Ravensbird. Il paraîtrait qu'un autre homme a attaqué le capitaine Dane, la nuit dernière, sur les falaises, ou que tout au moins... Le capitaine et une autre personne s'y sont pris de dispute. Et si le signalement qui m'a été donné est exact, cette autre personne, ce n'était pas vous. Profondément étonné, Ravensburg, qui ne souriait plus, ne sut que répondre. Il se contenta de fixer sur Harbert un regard interrogateur. Maintenant, il est parfaitement naturel de conclure que cet homme, quel qu'il puisse être, doit être l'auteur de la catastrophe qui a suivi la dispute. Un étranger, grand et large d'épaule, c'est ainsi qu'on me l'a décrit, a été vu sur les falaises. Il portait un ballot sur son dos. C'était sans aucun doute quelque colporteur ambulant qui aura importuné le capitaine de ses offres d'emplette et qui, sur son refus de lui rien acheter, sera devenu insolent. Il s'en est probablement suivi une querelle. Une seule chose paraît incontestable, c'est que tous deux étaient excités et s'injuriaient. On a vu plus d'une fois dans des cas semblables commettre des crimes à la plus légère provocation. « Qui a vu ou entendu tout cela ?» demanda Ravensburg. « Est-ce vous, monsieur ?»« Moi ?» répliqua avec hauteur Herbert Dane. « Que signifie cette absurde question ? Aurais-je, plus que tout autre ami du capitaine Dane, tenu secrète une pareille chose ? L'homme qui en a été témoin est Joe Drake. Je sais bien que le gentleman n'est pas en général très digne de foi, mais je le crois sincère dans cette circonstance. Je viens de le rencontrer il y a quelques minutes et il m'a arrêté pour tout me raconter. Il allait au château faire sa déposition devant Milord. Il a bien tardé à parler, dit Ravensburg d'un ton ironique. Pas le moins du monde. Il ne pouvait pas parler en mer où il est resté toute la nuit dernière. Il n'a appris l'accident qu'en rentrant à Dainchel tout à l'heure avec la dernière marée. Il s'est trouvé hier soir sur les falaises, en revenant de chez Beechshaw, au moment de la dispute, ou de la lutte, comme vous voudrez, et y a assisté en partie. L'heure concorde parfaitement. Il dit qu'il devait être à ce moment 8h30. Ravensburg ne répondit pas de suite. Il regardait dans le vague et semblait rêver. Herbert reprit. Quand vous m'avez dit aujourd'hui que vous mettriez le doigt sur le coupable, j'avais pris vos paroles pour une pure forfanterie, sinon comme une ruse pour détourner les soupçons. Maintenant une autre idée me vient. N'est-il pas possible que vous aussi, vous ayez été témoin involontaire de cette lutte ? Est-ce là la vérité ? Je ne m'attendais pas. Le capitaine Dane, je ne savais pas que le capitaine Dane eût rencontré un étranger, répondit Ravensburg, d'un ton plein d'incertitude et d'hésitation, et de l'air d'un homme qui rêve. Probablement cet homme n'était pas un étranger pour votre maître, dit Herbert Dane, dont l'œil pénétrant cherchait à deviner la cause de ce trouble. Ravensburg sortit de sa rêverie. Probablement que non, fit-il. Il n'est pas vraisemblable qu'un étranger en eût voulu à sa vie. Ce serait encore moins vraisemblable de la part d'un ami, Ravensburg. Qu'est-ce qui vous embarrasse et vous inquiète ? Ceci est une question, monsieur, à laquelle vous me permettrez de ne pas répondre. Plus j'entends parler de cette affaire et plus je me sens embarrassé. Mais je vous dis, Dainchel peut être sûr d'une chose, c'est que je ne me lasserai pas dans mes efforts pour éclaircir ce mystère. Dainchel m'a accusé d'être un assassin, monsieur Herbert Dane. Je l'efforcerai bien de se rétracter avant que je meure. Le récit de Drake se trouva corroboré d'une façon assez bizarre par le chevalier Lester, au moins en ce qui concernait la présence, dans le voisinage de Dainchel, le soir de l'événement, de l'homme dont le signalement était donné. Le chevalier, comme il revenait à cheval d'une visite dans les environs, avait, en passant à 1 kilomètre à peu près du château, vers 8h ou 8h30, rencontré un homme marchant au milieu de la chaussée et dont la vue avait fait cabrer son cheval. Un individu de grande taille, de mauvaise mine et portant sur le dos une boîte plate. M. Lester dit qu'il l'avait tout particulièrement remarqué et qu'il pourrait certainement le reconnaître, car la lune éclairait en plein son visage au moment où il passait près de lui. Quelques minutes plus tard, le chevalier s'était retourné pour le regarder encore et l'avait vu quitter la grande route et prendre la direction des falaises près du château. Aucune recherche ne fut épargnée pour découvrir ce colporteur. L'avocat Porley, aux yeux de lynx, retourna Drake dans tous les sens, métaphoriquement parlant. M. Lester adressa à la police un signalement minutieusement détaillé. L'homme ne put être retrouvé et l'on n'en entendit jamais parler. Il en fut de même du corps du capitaine Dane. On jeta les filets, on dragua tout le long des côtes, mais la mer ne rendit pas sa proie. Le doute n'était plus possible, Harry Dane était mort, et le drapeau des Dane flotta mi-mât en signe de deuil sur la tour du château.